بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On a pu voir dans le cours dernier le cinquième événement de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام qui était sur la hijra, le fait de délaisser les terres de mécréance pour des terres d'islam afin de pouvoir extérioriser sa religion. Son importance dans nos cœurs sera en fonction de l'importance qu'on a envers le paradis. Plus on désirera ce qu'il y a auprès d'Allah sincèrement, plus la dunya nous paraîtra insignifiante et il nous sera facile de la délaisser dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ne veulent pas délaisser leur dunya pour l'au-delà, ils sont dans un grave danger. Et quant à ceux aussi qui veulent concilier les deux, c'est-à-dire à travers des actes d'adoration, avoir un intérêt mondain, ils seront récompensés en fonction de leur niya. Si elle est bonne, leur adoration sera bonne, et si elle est mauvaise, leur adoration sera comptée comme mauvaise. Attention tout de même, et je le rappelle à ceux qui délaissent des adorations, à préserver leur cœur de l'hypocrisie, qui peut grandir jusqu'à qu'elle fasse sortir de l'islam. Wallahu al-musta'an. Comme on l'a dit, que ce soit à travers des actes du cœur, ou bien de la langue, ou bien du corps, qu'Allah nous en préserve. Et c'est ce que va nous montrer le Cheikh rahimahullah dans ce sixième événement. يقول الشيخ دي رحمه الله الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك ولكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. Parmi les choses qui ont aidé les gens de la masse à continuer dans des égarements graves ou bien même des annulatifs de l'islam, la parole de certains pseudo-savants. Et Allah sait qu'ils sont extrêmement nombreux à toutes les époques, et en particulier à notre époque où l'ignorance a atteint un degré élevé chez les musulmans qui ne savent plus quel est le message de l'islam. On a vu à travers ce livre que le message le plus fondamental de l'islam, c'est d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en garde contre l'association et ses dérivés tels l'athéisme, etc. Chose qui est inexistante à notre époque. Inexistante car ils n'ont pas compris l'argumentation de l'islam sur cela, wallah al-musta'an. Le cheikh ici veut nous montrer, rahimahullah, que le musulman peut sortir de l'islam. Il peut sortir de l'islam pour une chose qu'il fait. Comme cela est arrivé après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, et dont les savants sont unanimes sur le fait de juger ces gens, auteurs d'actes d'annulatifs, comme apostats. Et cela même s'ils disent « La ilaha illallah ». Parmi les choses que le shaykh a évoquées, rahimahullah, qui se sont passées après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce dont les savants sont unanimes quant au fait qu'ils ont apostasié, on lit « Anna al-murtaddin iftaraqu fi riddatihim, faminhum man kazzaba an-nabi alayhi salatu wassalam wa raja'u ila ibadati al-awthan » وقالوا لو كان نبيا ما مات ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. Certains ont démenti le prophète alayhi salatu wassalam dans son message de base et sont revenus à l'adoration des idoles, et ils ont prétendu que si vraiment le prophète était un prophète, il ne serait pas mort. D'autres ont continué à croire au message du prophète alayhi salatu wassalam dans la base la ilaha illallah, mais ils ont approuvé la prophétie d'un imposteur. pensant que le prophète l'avait associé dans sa mission, alors qu'il n'y a en cela aucune preuve. Certains ont pris Musaylama comme faux prophète, d'autres Tolayha, d'autres Al-Ansi, Sahib San'a, etc., etc. Tout cela, les savants étaient unanimes sur le fait qu'ils sont apostats par cette croyance. Tout en sachant bien sûr que certains parmi eux reconnaissaient les obligations, continuaient à prier, à faire le hajj, de donner l'aumône, etc. Et malgré cela, cela ne leur a été d'aucune utilité et les savants ne l'ont pas pris en compte, étant donné qu'ils ont fait un annulatif de l'islam et quiconque commet un acte annulatif, toutes ses œuvres sont annulées et ne serviront à rien, qu'Allah nous en préserve. Où veut en venir le shirk? Et c'est ça qui est très intéressant. Il veut comparer ces gens aux gens de son époque, que les pseudo-savants considéraient musulmans par le simple fait qu'ils disent « La ilaha illallah ». Ces pseudo-savants disent même « Tasrihuhum bi anna al-bawadi laysa ma'ahum min al-islam sha'ara ». Ils n'ont de l'islam même pas un cheveu, ils n'ont rien de l'islam. Mais du simple fait qu'ils aient dit « La ilaha illallah », cela leur suffit pour les considérer musulmans. Alors que le shirk dit « Ma'a iqrarihim ». Le fait que ces pseudo-savants reconnaissent « بِأَنَّهُمْ تَرَكُوا الْإِسْلَامَ كُلَّهُ » qu'ils ont délaissé l'islam dans sa totalité. « مَعَ عِلْمِهِمْ بِإِنْكَارِهِمْ الْبَعْثِ » et qu'ils savent aussi qu'ils rejettent le jour du jugement. « وَاسْتِهْزَائِهِمْ بِمَنْ أَقَرُ » et en plus de cela, ils se moquent de ceux qui y croient en ce jour. Allah musta'an. واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي عليه الصلاة والسلام. Et le fait qu'ils se moquent et qu'ils préfèrent la religion de leurs ancêtres qui contredit la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et malgré tout ça, ces pseudo-savants que le shirk nomme ces shayatin, ces diables parmi les humains, prétendent que al-badu aslamu walaw jara minhum dhalika kullu, qu'ils sont considérés comme musulmans même s'ils font tout ce qui a été énoncé précédemment. Et là on va rentrer dans un sujet un peu délicat qui est donc les annulatifs de l'islam que le shirk a évoqué rahimahullah. Déjà on comprend mieux pourquoi le shirk a écrit un livre sur les annulatifs de l'islam. Car il a vu donc que c'était les annulatifs où tombaient beaucoup les gens de son époque. Donc je vous conseille d'étudier ce livre, les annulatifs de l'islam. Il en a évoqué 10, rahimahullah. Et on comprend aussi pourquoi le shirk, rahimahullah, a évoqué al-ba'th, donc le jour du jugement, dans son livre Les Trois Fondements. Je cite le livre. والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, c'est d'elle, yani la terre, que nous vous avons créée, et c'est en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore, ainsi que sa parole, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner, et vous en fera sortir véritablement. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve, afin qu'ils rétribuent, yani Allah, ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Et là on vient à notre sujet. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant, et la preuve, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, dit « Mais si, par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. » En réalité, il suffit pour devenir mécréant de rejeter un verset, ou bien même une lettre, qui est unanimement reconnu pour sortir de l'islam. Le fait de rejeter même une lettre, alors qu'en est-il donc d'un verset ou d'une sourate, etc. Le fait de rejeter ça fait partie des annulatifs de l'islam, car la personne en fait aura démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a informé dans de nombreux versets qu'il va certes ressusciter les morts afin de les juger. Combien de versets nous lisons sur les menaces de ce jour terrible parmi ces versets? Et ils sont nombreux dans les dernières sourates du Coran, ce qui se nomme communément Juz Amma. Par exemple, sourate Amma justement, où Allah nous dit Inna yawm al-fasl kana miqata yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Le jour de la décision a son terme fixé, le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes, et le ciel sera ouvert et présentera des portes, et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Et à la fin de cette même sourate, ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Ce jour-là est inéluctable, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et l'infidèle dira « Hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière ». Convient-il donc aux musulmans, ou à celui qui se prétend musulman, de se moquer d'une menace de la part du Seigneur de l'univers? Walillahil mathalul a'la. Imaginez-vous quelqu'un se moquer d'une menace, d'une personne qui est capable de la faire. N'est-ce pas cela de l'inconscience et même de la folie? On se moque d'une menace de quelqu'un qui est incapable de nous la faire subir. Cela, c'est possible. Comme se moquer d'une menace d'un enfant, par exemple, vis-à-vis d'un adulte, etc. etc. Mais est-ce normal que de se moquer d'une menace du Seigneur de l'univers, où il rappelle dans énormément de versets que ce jour-là est la vérité et qu'il arrivera? Sourate Nazi'at, à la fin. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Puis quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. La fin de sourate Abasa. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Donc énormément de versets dans Juz Amma que beaucoup s'efforcent à apprendre, alhamdoulilah, mashallah, mais surtout à méditer ces versets terribles. toutes les sourates, إذا الشمس كورت, إذا السماء انفطرت, donc des sourates terribles. La sourate هل أتاك حديث الغاشية, donc toutes ces sourates donc qui évoquent ce jour qui arrivera inéluctablement. Comment celui qui se prétend musulman peut rejeter ce jour et encore pire, s'en moquer et se moquer des croyants qui croient en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait sans aucun doute partie des annulatifs de l'islam. Et parmi ce qu'a évoqué le shir aussi, واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. Ça aussi, cela fait partie des annulatifs de l'islam. Le fait de se moquer en général de quoi que ce soit qui est venu dans la religion sera un annulatif de l'islam. Et la preuve en cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Tawbah 9, verset 65, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Un verset extrêmement explicite sur le fait que se moquer de la religion fait partie des annulatifs de la foi et donc des annulatifs de l'islam. Se moquer d'un verset ou bien d'un hadith authentique ou bien d'une loi parmi les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela rentre dans le fait de se moquer de la religion et est concerné par le verset Surat Tawbah énoncé un peu avant. Autre annulatif que le shir a évoqué donc, Tafdilihim dina abaihim. Ils font prévaloir la religion de leurs ancêtres qui contredit la voix du prophète alayhi salat wa salam. Ça aussi c'est une chose très grave. On peut lire dans son livre نواقض الإسلام الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فهو كافر. Quiconque croit qu'il y a d'autres voies plus parfaites que celles du prophète عليه الصلاة والسلام et d'autres jugements plus sages que les siens, comme celui qui préfère le jugement des tarouts à son jugement, est un mécréant. Cela aussi est terrible. Beaucoup de musulmans ou de gens qui se prétendent musulmans et que l'on connaît, qui font peut-être partie de gens proches, tombent malheureusement dans ces annulatifs de par le fait d'avoir été mélangés avec les polythéistes et les athées. Certains disent clairement que les lois d'Allah en ce qui concerne les peines légiférées ne sont plus d'actualité, ou bien même sont des choses qu'il nomme barbare. Tout cela entre dans l'apostasie. Et cela est valable aussi chez les laïcs, ceux qui se nomment laïcs dans les pays musulmans, qui même si ils sont forcés à appliquer les lois d'Allah, si dans leur cœur ils voient que les lois qui sont présentes en Occident sont meilleures, cela annulera son islam, wallahu al-musta'an. Allah nous dit, surat al-Ma'ida 5, verset 50, Afa hukma al-jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmi yuqinun. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Le jugement du temps de l'ignorance englobe tous les jugements qui contredisent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah de dire, qui a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme, à l'inverse donc des gens qui n'ont pas une foi ferme, mais qui ont plutôt des doutes dans leur foi, tels les hypocrites qu'Allah a dénoncés dans de nombreux versets. Comme dans Sourate An-Nur 24, verset 47. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Et ils disent, nous croyons à Allah et au messager, nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non! Mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est « Nous avons entendu et obéi. » Et voilà ceux qui réussissent. Préférez donc les lois d'une tribu comme c'était le cas à l'époque du Shir, rahimahullah, ou bien préférez les lois d'un quartier comme cela existe malheureusement à notre époque, où des gens émettent des avis sur des choses, des punitions qui sont contraires à celles de la religion, ou préférer la loi de la République par exemple, ou préférer toute autre loi à partir du moment où elle contredit le Coran et la Sunna, cela rentrera dans l'apostasie, wallahu al-musta'an, car cela implique quoi ? Que la personne qui a fait ces lois connaisse mieux que le créateur de l'univers, alors qu'Allah dit « قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ » dit « Êtes-vous les plus savants ou Allah ?» Et dans un autre verset, « أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ » Allah n'est-il pas le plus sage des juges ? Toutes ces choses que le musulman répondra forcément par l'affirmative. C'est pour cela que le but de connaître ces choses n'est pas ensuite d'aller attaquer les gens et les taxer de mécréance, etc. Mais le but de cela est de connaître le jugement de ces choses et de mettre en garde les musulmans de tomber dans cela, car beaucoup ne savent pas ce que cela implique. Si on parle à quelqu'un, par exemple, qui rejette une chose de la religion et qu'on lui dit ensuite « Connais-tu mieux ?» ou bien « Allah connaît mieux », que répondra le musulman ? Forcément, il s'avisera et reconnaîtra que c'est Allah qui connaît le mieux et que c'est à lui de purifier son cœur de tout ce qui a été introduit comme mécréance et comme fausses idées au sujet de cette religion magnifique qu'est l'islam. Passons ensuite à un autre annulatif que le Cheikh a dénoncé ici, c'est le fait que ces pseudo-savants considèrent ces apostats comme étant des musulmans, même s'ils commettent ces choses. C'est pour ça le Cheikh dit « فَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ لَمْ يُقِرْ مِنَ الْإِسْلَامِ بِكَلِمَ وَاحِدَ إِلَّا أَنْ يَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بِلِسَانِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِتَكْذِيبِ مَعْنَاهِ وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله. Qu'en est-il donc de quelqu'un qui ne reconnaît de l'islam rien du tout, si ce n'est le fait de dire « La ilaha illallah » tout en faisant exactement le contraire, puisqu'ils ne connaissent pas sa signification, et en plus de se désavouer de la religion du prophète alayhi salatu wassalam, rejetant les lois qui y sont venues, et en plus de dire « هَذَا دِينُ الْحَضَرُ وَدِينُنَا دِينُ أَبَئِنَا » comme quoi c'est une nouvelle religion et nous on suit la religion de nos ancêtres. Ce sont des gens de cette catégorie que les pseudo-savants à l'époque du Shirk qualifiaient de musulmans. Wallahu al-musta'an. Voilà pourquoi en entendant cela, on se doit de connaître la signification de la ilaha illallah dans un premier temps, savoir quel a été le message du prophète alayhi salatu wassalam. On en a vu une partie et c'est le fait d'appeler les gens à adorer Allah seul et de mettre en garde contre l'association qui est le pire des péchés. Voilà quel a été le message du prophète alayhi salatu wassalam et même des prophètes alayhi salatu wassalam. connaître cela et ne tolérer rien d'autre et n'accepter aucune chose qui contredit la voix du prophète alayhi salat wa salam. Et en plus de cela, connaître aussi ce qui peut amener à sortir de l'islam. C'est pour ça le shirk, tous ses livres ou la majorité de ses livres parlent ou bien de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien de la mise en garde contre ce qui peut annuler la ilaha illallah. C'est pour ça que je vous conseille, mes chers frères, de porter une grande attention au livre de ce grand shirk, shirk Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il conclut ensuite le shirk et il dit: وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام. Il a dit une belle parole qu'un des bédouins a dit quand il a entendu le message de l'islam authentique. Quand il a entendu qu'est-ce que c'était l'islam et lui ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a dit? أشهد أننا كفار. Je témoigne que nous avons été ou que nous sommes des mécréants. Plus que ça encore, il a dit wa ashhad anna al-mutawwa'. Non, c'est une parole donc qui disent, même au Yémen ça se dit encore al-mutawwa'a, des gens qui sont dans la religion. Ashhad anna al-mutawwa' alladhi yusammina ahl islam annahu kafir. Il a même dit que je témoigne aussi que celui, ce pseudo savant qui prétend que nous sommes musulmans, bah, ce pseudo-savant, je témoigne qu'il est aussi un mécréant, car lui-même n'a rien compris à l'islam. Wallahu al-musta'an. Regardez donc la fitra, la nature saine de cette personne qui a entendu qu'est-ce que c'était l'islam, quelles sont les règles de l'islam, quelle est la base de l'islam. Et quand il a comparé à sa vie ou à la vie de ses confrères parmi les bédouins, il a compris qu'il était extrêmement loin de cet islam authentique. Et voilà ce à quoi doit appeler la lecture de ces livres, à se réformer et à réformer nos proches de la plus belle des manières. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.